Et je retrouve, comme chaque lundi, mon collaborateur Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Ça va bien ? Ça va très bien. Alors, chronique technologie d'information, aujourd'hui, le sujet ? Sujet varié, en fait, notamment à plusieurs points. Je pense que c'était un peu incontournable de les mentionner, notamment au niveau gouvernemental québécois. Eh bien, c'est passé dans le courant de la semaine dernière, dans le cadre d'une conférence sur les villes intelligentes à Montréal, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui a fait une annonce en lien avec le plan numérique du Québec. C'est un peu dans la suite, en fait, d'un événement dont on avait parlé d'ailleurs ici à l'époque, le Forum des idées pour le Québec de l'année dernière, où à ce moment-là, il y avait eu un cri du cœur lancé par plusieurs intervenants autour de la nécessité pour le Québec d'entrer à l'ère numérique. Et au terme de ça, eh bien, Philippe Couillard avait, entre autres éléments, essentiellement mis la table sur l'éventuelle création d'un plan nerd, entre guillemets, c'est le terme qui avait été proposé à l'époque. Finalement, après ça, il y a eu de l'attente de la part de ces personnes-là et sporadiquement dans des articles de presse sur les médias sociaux et ailleurs, on voyait quelques questions à savoir qu'en est-il justement de ce plan numérique qui serait éventuellement proposé pour le Québec. On a vu en parallèle jaillir le plan culturel numérique porté par le Conseil de la culture, par le ministère de la culture et des communications également. Donc ça s'est mis en place. Il y a des mesures tranquillement qui sortent aussi sur ce plan-là. Mais on attendait le plan structurant. Et donc là, c'était le 23 octobre dernier, ben le gouvernement du Québec est sorti avec l'idée de ce qu'on présente comme des consultations sur l'économie numérique auprès des entreprises québécoises, la création d'un groupe conseil pour accompagner le ministère dans l'élaboration de la feuille de route en économie numérique. Alors donc essentiellement, on propose la mise en place d'un plan qui risque de s'intéresser plutôt au pan de l'économie numérique. Donc encore là, pléiade de réactions, beaucoup de critiques notamment, en disant, ben est-ce que le gouvernement du Québec est en train d'avoir une vision d'avenir globale en ce qui a trait au numérique, ou est-ce qu'au contraire, ben on est en train de proposer un plan à la pièce, donc en culture, en économie, et qu'il y aura d'autres axes qui viendront. Donc quand même plusieurs critiques de ce côté-là. Parallèlement, ben le comité a commencé ses activités aussi. Un comité qui est formé quand même de gens d'horizons divers, là, beaucoup de gens du côté entrepreneurial, de gens des technologies, de GRAP notamment sur les entreprises technologiques de Montréal, les entreprises plus en développement durable et culture numérique, le CEFRIO également, Fédération des chambres de commerce du Québec, l'AQT, donc des représentants de gens d'affaires, un groupe, en fait un laboratoire de recherche universitaire également du côté de l'ETS. Alors ce groupe-là a amorcé donc des consultations pour essayer d'amener le gouvernement du Québec sur la voie justement du numérique. Donc ça c'est pour le premier sujet, parce qu'ensuite tu nous as réservé un sujet sur la ville de Montréal au Smart 21, on dit ? Oui. De l'Intelligent Community Forum pour 2015. Et ça, les observateurs numériques voient ça passer sporadiquement, je pense une fois par année, il y a toujours quelques sorties autour de l'Intelligent Community Forum. C'est essentiellement ce groupe-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe d'experts qui, depuis déjà plusieurs années, au-dessus d'une vingtaine d'années, examine les villes du monde. En fait, chaque ville peut soumettre, s'ils le veulent, un dossier et qui est quand même assez détaillé. Là, on parle d'un document très volumineux qui est à produire et analyse ces dossiers-là pour en arriver ensuite à une sélection de 21 villes qui seraient les 21 communautés les plus intelligentes de l'année, parmi celles, évidemment, qui ont soumis leur candidature. Et c'est quand même un honneur intéressant, dans la mesure où ça donne une certaine visibilité, évidemment, pour la ville. Une occasion aussi de faire le point pour les organisations sur ce qui a été accompli. Toujours en lien avec une thématique. Exemple, il y a 2 ans, je crois que c'était la culture. Cette année, le thème, c'est de la révolution à la renaissance, où on évaluait des critères comme la connectivité, donc la présence de broadband, de sans fil, d'outils de connexion, une main-d'œuvre qualifiée, évidemment aussi, les questions d'innovation, d'inclusion numérique, de développement durable et de mobilisation auprès, justement, des filières numériques. Donc, c'est un peu ce qui était observé. Et eux aiment bien, justement, des initiatives où on voit vraiment une progression. On voit qu'à travers le numérique, des villes, des régions ont réussi à effectuer un certain repositionnement ou à amorcer un certain repositionnement dans différents axes. Québec a déjà été d'ailleurs au top 21 dans le passé. Montréal, Gatineau aussi est déjà retrouvé. Ottawa, Toronto a gagné l'an dernier comme étant la top one des villes intelligentes, parce que c'est un peu un long processus tout ça, dans la mesure où eux ont probablement rédigé les documents de candidature l'été dernier. Là, ça sort le top 21. Une fois que ce top 21-là est sorti, ben chaque ville du top 21 doit fournir d'autres documents d'analyse, donc doit fournir des documents plus fouillés, plus complets sur ce qu'ils accomplissent. Ensuite, ben, y a évaluation de ces nouveaux dossiers. Et de là, ben, l'année prochaine, en début d'année, on va sortir le top 7 des villes intelligentes. Et là, une fois que le top 7 va être sorti, ben là, il y aura des représentants de l'organisation qui vont se rendre sur place pour aller voir ce qui a été présenté dans les rapports, fournir une évaluation. La ville elle-même va avoir sur le terrain. Ouais. La ville elle-même a d'autres documents à produire. Et de là, ben, on en arrive à la communauté la plus intelligente de l'année. Alors, ce sera intéressant de suivre tout ça. C'est quand même, je pense, la deuxième fois pour Montréal, la troisième fois pour Montréal. Alors, ils commencent à avoir une belle expérience de ce côté-là. Évidemment, pour, on imagine, une belle opportunité de positionnement à l'international. Mais pour ce résultat sur la ville la plus intelligente, là, le prochain, ça sera dans les alentours de quelle date? Autour de février, si je ne me trompe pas, puis c'est en juin 2016 qu'on va connaître la communauté intelligente. Mais donc, la prochaine étape, c'est vraiment, c'est février 2016, le top 7. Bon, et est-ce qu'on a une idée des villes qui ressortent? On a cité quelques-unes, mais pour l'année prochaine? Oui, en fait, mais par contre, j'ai pas la liste sous les yeux, ça paraît bête un peu, je me suis pas fait imprimer le communiqué intégral, mais généralement, on parle beaucoup de villes européennes, de villes nord-américaines, c'est vraiment grosse domination de ces deux régions-là dans ce type de palmarès-là, et ça ressemble encore pas mal à ça cette année. Alors, affaire à suivre, on aura l'occasion de s'en reparler, c'est certain. Oui. En route vers le COP 21 qui se tiendra à Paris, quelques outils, cartes et applications pour mieux comprendre les enjeux. Oui, en fait, je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour les auditeurs et auditrices qui veulent en savoir un peu plus sur le COP, justement, sur ce grand, cette grande rencontre sur l'environnement. On en parle quand même beaucoup aussi ici au Canada avec le changement de gouvernement qu'on a connu. On sait que c'est dans les prochaines grosses rencontres des chefs d'État. Grosses rencontres internationales. Et ben il y a les amis de Proxima Mobile qui ont sorti plusieurs éléments qu'on peut aller consulter pour voir un peu un état des lieux de tout ça, et évidemment qui mettent aussi en évidence les possibilités qu'offre le numérique pour permettre de visualiser, de palper, d'analyser, de comprendre tout ça. Alors évidemment, c'est toujours intéressant. Donc je t'en ressors peut-être 4 ou 5 rapidement. Alors IMAPS, qui est un peu un projet de recherche interdisciplinaire qui vise à étudier l'utilisation qui peut être faite des outils de communication en ligne, exemple Web 2.0, pour développer un dialogue essentiellement entre la communauté scientifique et le grand public. Donc, dans l'idée où certaines personnes semblent estimer que les débats se font entre scientifiques, que c'est pas toujours facile d'aller chercher cette connaissance-là. Alors, avec ça, on va essayer de rendre accessible, si on peut dire, cette réflexion-là. Et en parallèle, en menant aussi des cartographies sur le web, des controverses quant au changement climatique. C'est quoi les grandes questions qui sont soulevées? Quelles sont les forces en présence, si on peut dire, autour de ces questions-là, comment les débats s'organisent. Donc, de voir aussi comment les gens en parlent sur le Web 2.0. Donc, créer un dialogue, comprendre le dialogue. Toujours intéressant. Autre élément, et ça, je conseille fortement d'aller faire un tour. Ça permet de voir un peu vraiment la compréhension complète de ce qui se passe dans le domaine. C'est une cartographie à 6 mois, dans le fond. Ça a été fait à 6 mois de la conférence. Donc, essentiellement, on a sondé 10 000 personnes à travers le monde sur 5 continents, 75 pays, pour essayer d'avoir un panorama assez représentatif des positions d'un peu tout le monde sur la question des changements climatiques. Et question de rendre les choses plus palpables au niveau visuel, on a vraiment appliqué des principes de visualisation des données pour pouvoir comparer, voir un peu comment ça se place dans différentes régions. Et là, on découvre tranquillement que 78% des citoyens du monde, selon ce sondage-là, qui seraient très concernés par les changements climatiques, qu'un citoyen sur deux estime que son pays n'en fait pas assez, que la recherche d'énergie fossile n'est plus une priorité pour les populations, qu'on cherche des objectifs transparents et contraignants un peu partout à travers le monde. Donc, des conclusions quand même de ce genre-là, mais qui sont vraiment étayées de cartes très détaillées. Alors ça, le site, rappelle-le, pour pouvoir consulter toutes ces données-là? Bien, on peut aller trouver, en fait, je pense, l'ensemble des éléments sur proximamobile.fr. Vous allez trouver dans les actualités l'ensemble de cette liste-là, avec également des clins d'œil vers des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent, comme Météo France qui a fait Climat HD, pour présenter un peu les projections climatiques en parallèle avec l'évolution dans le passé. Donc, avoir accès sur son mobile à l'évolution climatique et à ce qu'on pense qui s'en vienne. Et également un peu d'informations. C'est sur un cours en ligne sur les enjeux des changements climatiques qui est offert par des universités Pierre et Marie Curie et l'École Polytechnique de France. Alors, si on veut aussi se renseigner sur ces questions-là, alors on a les hyperliens via Proxima Mobile. Le COP21 qui se tiendra courant novembre, plutôt vers la fin novembre, il me semble. Exactement. Hein? Bon, parfait. Ben, merci beaucoup, Raymond. Ça autre chose plaisir. À ajouter? On avait fait le tour. Que dire de plus? Ben, affaire à suivre la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle chronique technologie d'information. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir.